إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le chapitre, en fait c'est le cours 146 et on commence le chapitre 63, الباب الثالث والستون. Et le titre de ce chapitre c'est Babun ma ja'a fi zimmatillahi wa zimmati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le chapitre de qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de garder les ententes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a expliqué la semaine passée le verset 91 dans sourate An-Nahl. Et aujourd'hui, on va expliquer le hadith de ce chapitre. C'est un long hadith, un hadith qui est assez long, rapporté selon Bouraïda. Et on va le lire étape par étape en fait. Ou bien si vous, est-ce que vous préférez qu'on lise le hadith au complet pour commencer, puis qu'après on lise l'explication phrase par phrase, ou bien que vous préférez qu'on l'explique au fur et à mesure en même temps on lit chaque phrase du hadith. Hein? Ok, bon, je vais lire le hadith. Comme ça, après, vous allez avoir une meilleure, une vision, une compréhension plus claire du hadith. Le cheikh dit, وعن بريدة قال, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. فقال, اغزوا بسم الله وفي سبيل اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغزروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول إلى من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن on va expliquer juste cette partie là puis le reste on le continuera on lira après. C'est un hadith qui est apporté selon Bouraïda. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il désignait un amir ou un chef pour une armée ou pour une troupe ou un régiment, il leur donnait le conseil de craindre Allah. Il donnait à cet amir un conseil, c'est-à-dire de craindre Allah, de même que les musulmans qui étaient avec lui dans le bien. Et puis il disait, partez dans le combat par le nom d'Allah et sur la voie d'Allah, et combattez celui qui n'a pas cru en Allah, qui a mécru en Allah. Partez au combat et ne faites pas, voilà ta roule, c'est-à-dire ne faites pas d'exagération, ou non, pardon, wala taghullu, ça veut dire ici, yani de ne pas voler du butin, avant que le butin soit distribué. Wala taghduru, ne trahissez pas, ne trahissez pas vos ententes. Wala tumathilu, c'est-à-dire lorsqu'il y a des corps qui sont morts, de ne pas les mutiler, de pas les mutiler, les mutiler. Pardon. Wala taqtul walidan, et ne tuez pas des enfants. وإذا لقيت عدوك من المشركين lorsque tu rencontres ton ennemi parmi les mushrikines, alors appelle-le à trois choses. N'importe laquelle d'entre ces choses-là qu'ils acceptent de toi ou qu'ils te répondent, alors accepte cela d'eux et abstiens-toi par la suite de les combattre s'ils acceptent une de ces choses-là. Premièrement, appelle-les à l'islam. Et s'ils acceptent, alors s'ils acceptent l'islam et s'ils répondent à ton invitation, alors accepte de leur part l'islam. Et si ils acceptent l'islam, ensuite invite-les à quitter leur demeure ou leur là où ils habitent pour faire la hijra et venir avec les musulmans, faire la hijra et venir avec les muhajirins. Et informe-leur que si ils viennent avec les musulmans, les muhajirins, alors dans ce cas-là, ils auront tout ce qui est pour tout ce qui est aux musulmans seront à eux et tout ce qui est comme obligation pour les musulmans seront pour eux également. Donc après ça, s'ils refusent de faire la hijra, alors dans ce cas-là, ils vont être considérés au même statut que les bédouins, parmi les musulmans bédouins. C'est-à-dire qu'ils auront contre eux, on appliquera sur eux le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que lorsqu'il y aura une distribution des butins, eh bien, eux, ils n'auront aucune part du butin, puisqu'ils n'ont pas fait la hijra avec les musulmans. Sauf s'ils combattent avec les musulmans dans le djihad. Ensuite, il dit dans le hadith, et s'ils refusent d'accepter l'islam et de faire la hijra par la suite, eh bien, tu leur demandes de payer la jizya. Et s'ils répondent à cet appel, alors accepte la jizya 2 et abstiens-toi de leur faire quoi que ce soit, de les combattre ou quoi que ce soit. Et s'ils refusent de payer la jizya, alors dans ce cas-là, demande l'aide d'Allah et vas-y, combat ces gens-là. Donc ça c'est le hadith qui est mentionné dans ce chapitre et la suite on l'expliquera, la suite du hadith on la lira et on l'expliquera au fur et à mesure lorsqu'on sera arrivé là-bas. On va lire maintenant, on va expliquer maintenant tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. Le cheikh, probablement on n'aura pas le temps de le finir aujourd'hui ce qu'on a lu, parce que c'est quand même un gros hadith, puis le cheikh il rentre dans les détails, d'accord. C'est pour en faire en sorte justement que on ait une bonne compréhension de la réalité du djihad, parce qu'on sait qu'aujourd'hui dans le monde musulman, il y a beaucoup de gens qui sont confus au sujet du djihad. Il y en a qui mélangent toutes sortes de choses vraies et fausses au sujet du djihad. Les gens pensent que, par exemple, les attentats terroristes ou bien les groupes de terroristes, les attentats suicides et tout ça, ils pensent que ça c'est des choses qui font partie du djihad, alors qu'en réalité non, ça fait même pas partie du tout du djihad. Il y en a qui pensent au djihad juste comme une forme de vengeance qu'ils veulent prendre contre les koufars, ainsi de suite, à cause des injustices que certains peuples musulmans peuvent subir. Et ça aussi, ça n'a rien à voir avec le djihad. Donc, c'est bien important de l'étudier et de le comprendre comme il faut et de connaître sa signification pour vraiment avoir, disons, pour éviter de tomber dans des formes d'ignorance et d'extrémisme au sujet de cette grande question-là. Et actuellement, qu'est-ce qu'on voit, par exemple, qu'est-ce qui se passe en Gaza, en Palestine? À Gaza, donc, il y a beaucoup de musulmans actuellement qui réagissent d'une façon qui est contraire à l'islam par rapport à ce qui se passe là-bas. On en a mentionné un peu dans certains cours, du fait qu'il y en a qui appellent à faire des manifs, qui appellent à des boycotts, qui appellent également à des formes de djihad. Ils pensent que ça c'est du djihad et des choses de ce genre. Et dernièrement, il y a Ben Laden qui a diffusé un message sur Internet disant aux gens ou appelant les gens à soi-disant faire le djihad, puis dans lequel il attaquait les gouverneurs musulmans, puis il critiquait les ulama, ainsi de suite. à la façon des Khawarij, hein, bien entendu, comme il en est un lui-même, un parmi les déviés et les égarés parmi les Khawarij. Donc c'est pour dire qu'il y a des gens qui prennent ces idées-là et qui les diffusent et qui les acceptent par la suite, hein, qui les font propager autour d'eux. Donc c'est pour dire que ces idées-là sont contraires à l'islam et que ce qu'ils disent n'a rien à voir avec le djihad ni avec l'islam. Et juste pour expliquer aussi, c'est que des situations comme qu'est-ce qu'on voit en Palestine actuellement, eh ben ça nous aide à constater une chose importante, c'est que il y a beaucoup de gens qui se disent salafis ou bien qui se présentent comme étant salafis, mais lorsque des situations pareilles se produisent, c'est là qu'on voit sortir la réalité du manhaj de quelqu'un. Parce que là, il y a des gens, par exemple, qui se présentaient comme salafis ou des choses de ce genre, puis du moment que des événements pareils se produisent, eh bien là, tu les vois commencer à changer tout d'un coup. Et on a déjà expliqué déjà dans différents cours que le manhaj des salafs, quand on suit le manhaj des salafs, eh bien, on ne change pas notre manhaj par rapport aux événements qui se produisent dans le monde. Parce que le haqq, c'est le haqq. C'est-à-dire la vérité, ça reste toujours la vérité. Peu importe qu'est-ce qui se produit dans le monde, peu importe le changement des événements. Donc, quand on est dans une période de tranquillité et de paix, on suit le manhaj des salafs, et quand on est dans une période de guerre ou de difficulté ou de trouble ou de fitna, on suit également le manhaj des salafs. Et on n'en dévie pas et on ne change pas de manhaj du jour au lendemain parce que les événements changent. Le manhaj reste le même, peu importe l'état ou la situation. Donc quand on est dans des moments de paix et de tranquillité, on retourne au Coran et à la sunna et à la compréhension des salafs et aux ulama pour comprendre et pour savoir l'islam et pour comprendre l'islam. Et quand c'est des moments de difficulté et de fitna, eh ben on retourne encore aux ulama et on retourne au Coran et à la sunna encore une fois. Ça ne change pas le manhaj. Le manhaj reste toujours le même. Et ce n'est pas comme le manhaj des Ikhwan ou des Sururi ou des Qutbiyin qui, quand il y a un événement ou une situation dans le monde, eh bien, ils utilisent cette cause ou cet événement-là pour faire de la fitna et pour, soi-disant, rallier les musulmans et même des fois les non-musulmans à leur cause, comme on a vu dans les manifs qu'ils ont fait dernièrement. Ils ramènent les anarchistes, les communistes, les socialistes, les athées, hein, les humanistes, tout le monde ensemble, puis ils marchent dans la rue ensemble comme s'ils allaient aider quelque chose, ils allaient aider la Palestine avec ces gens-là. Alors que c'est à cause de ces gens-là que la Palestine est dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. D'accord? Donc c'est pour dire que c'est ça le problème. Et puis, donc, juste pour expliquer en même temps que... Attendez, juste un point là que j'ai perdu, que je voulais expliquer. Donc, oui, c'est ça. J'écoutais un frère, hier ou avant, aujourd'hui ou hier, il m'a envoyé un lien d'un imam en France. Dans une ville, ça s'appelle Meaux, M-E-A-U-X. C'est une ville en France, dans le Nord. Ouais, toutes sortes de noms de villes bizarres en France. Bon, alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que, oui, c'est des noms, des fois je me dis, est-ce que c'est pas des noms de Gaulois, là? Ouais, c'est ça, exactement. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que, cet imam, a'oudhou billah, qu'est-ce qu'il dit dans son truc, là? Il remercie Israël. Il dit, oh, on remercie Israël pour qu'est-ce qu'elle a fait. C'est bien ça, qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a réussi à réunir les musulmans. A'oudhou billah, astaghfirullah. Comment quelqu'un peut avoir l'esprit aussi tordu pour essayer de comprendre que qu'est-ce qu'Israël fait, c'est bon pour l'islam et pour les musulmans. Et il pense que le fait que les gens se soulèvent et qu'ils font du bruit puis qu'ils bougent, parce que c'est ça qu'il dit lui dans sa khutba, il dit ouais, les musulmans ils ont bougé, c'est ça qu'il faut, hein. Et donc il pense que ça c'est un bien et il remercie Israël pour avoir attaqué les musulmans et pour avoir tué les gens là-bas et pour avoir fait tout ça. Et là il pense qu'il a réussi, que à cause de ça les musulmans sont réunis. Ils sont pas réunis, c'est pas vrai ça. Si les gens se réunissent juste parce qu'il y a un problème dans un pays musulman ou parce qu'il y a une guerre, ils vont se diviser aussitôt que la guerre est terminée, hein. Ils sont alliés juste à cause d'un événement et d'une cause. Lorsque la cause sera terminée, lorsque la, la, la guerre, soi-disant, l'attaque sera finie, ils vont retourner à leur division comme ils étaient avant, et Hamas va commencer à se tuer avec l'autre groupe aussi de Fatah et tout ça. Parce que leur problème de Aqidah et leur problème de Manhaj n'a pas fini encore. Ils sont toujours divisés entre eux. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va commencer tout de suite à lire, après cette courte introduction, pour une mise en contexte et une mise en situation. Maintenant on va commencer, Inch'Allah, à parler un petit peu plus en détail de ce sujet-là. Na'am. الشيخ يزيد ثم أورد الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره فقال وعن بريدة وهو بريدة ابن الحصيب الأسلمي الصحابي الجليل رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد الجيوش والسرايا للجهاد في سبيل الله بعدما هاجر إلى المدينة وقوي الإسلام وأمره الله بالجهاد صلى الله عليه وسلم يكون الجيوش والسرايا المحاربة يكون الجيوش والسرايا المحاربة لمحاربة المشركين يكون الجيوش والسرايا لمحاربة المشركين امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب إلى غير ذلك. Donc, on va commencer l'explication. Le cheikh, il dit que c'est un hadith rapporté dans Sahih Muslim, selon Bouraïda. Et Bouraïda, son nom, c'est Bouraïda ibn al-Husayb al-Aslami, al-Sahabi al-Jalil. Et donc, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se préparait pour le djihad, il mettait à la tête de son armée un amir, à la tête de l'armée et à la tête du régiment. Et donc il organisait des armées et il organisait également des régiments pour le djihad dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est après qu'il ait fait Al-Hijra vers la ville de Médine, c'est-à-dire quand il a émigré vers la ville de Al-Madina Al-Nabawiyya. Et donc, à ce moment-là, l'islam est devenu fort, est devenu plus fort, et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis et lui a ordonné par la suite de faire le djihad. Parce qu'au début, à Médine, les musulmans étaient faibles, et c'était interdit, lorsqu'ils étaient faibles, de faire le djihad. Puis, il organisait donc les armées et les régiments pour combattre les mushrikins, c'est-à-dire ceux qui font le shirk. Okay? Et donc, tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait pour mettre en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans différents versets du Coran. Comme par exemple, le verset 73, dans surat At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, ô prophète, lutte contre les koufars et les munafiqins et sois dur envers eux. Et leur destination sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Et également dans le verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans surat Tawbah, et le verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et combattez les mushrikins tous, combattez tous les mushrikins comme ils vous combattent tous. Et dans le verset 29, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, et qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne pratiquent pas la religion de vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya par leurs propres mains après s'être humiliés. Donc ça c'est des versets qui mentionnent la question du djihad et de la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le shaykh dit wal jaysh huwa al-askar al-azim al-kathir amma al-sariya fahiya al-qit'atu min al-jaysh wa tantaliqu min al-jaysh wa tarji'u ilayhi. Et Al-Jaysh en arabe, c'est l'armée, d'accord? Et c'est une grande armée en fait. Et Al-Sariya, c'est pas l'armée, c'est une partie de l'armée. On appelle ça comme une troupe ou un régiment. Al-Jaysh, c'est la grande armée, et Al-Sariya, c'est un morceau de l'armée, une partie de l'armée, un petit régiment. Il part, c'est-à-dire des fois, le professeur Hassan, par exemple, il va prendre quelques hommes dans l'armée, dans cette armée-là, il va choisir par exemple un régiment de cette armée-là, et puis il va les envoyer quelque part. Puis après qu'elles ont fini de faire ce qu'ils ont à faire, ils reviennent rejoindre la grande armée ou à la flotte par la suite. Ben, si c'est des soldats qui sont à pied, ou bien à chevaux, ou bien en véhicule motorisé ou autre, eh bien, ils vont, par exemple, en prendre une partie de ces hommes-là pour aller faire une mission quelque part et revenir. Donc, c'est pas l'armée au complet, c'est une partie de l'armée, un régiment, tu comprends? C'est une section, disons, de l'armée, la Sariya. Non, mais ça, c'était à l'époque. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient des équipements qui correspondaient à l'époque. Aujourd'hui, si on va faire la guerre ou on va faire le djihad dans un pays musulman, ce sera pas avec les épées et les flèches, tu comprends? Chaque époque a ses armes. Mais en fait, juste pour spécifier en même temps, faut pas que certaines personnes comprennent mal. Le djihad, ça se fait uniquement sous l'ordre d'un dirigeant officiel d'un pays musulman, ok? Et c'est le dirigeant qui décide de le faire, et c'est selon les conditions et les règles du djihad, d'accord? Walaykoum salam wa rahmatullah. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la capacité, il faut que les musulmans soient capables et qu'ils aient une force suffisante, c'est-à-dire au moins la moitié de la force des koufars, minimum la moitié de la force des koufars pour pouvoir les affronter, et ainsi de suite. Si le dirigeant considère que les musulmans sont pas assez forts et pas aptes à le faire, dans ce cas-là, ils sont excusés de ne pas le faire, d'accord? Et c'est pas des groupes, des petits groupes là qui s'organisent dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans, une dizaine, une vingtaine, puis ils s'organisent entre eux, puis ils font des petits groupes, puis ils disent on va combattre les koufars, on va faire sauter des bombes, comme Al-Qaïda ou des trucs comme ça, non. Ça, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ça n'a rien à voir avec le djihad, et ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce qu'ils font, c'est relié avec les groupes d'égarement parmi les sectes déviées, qui font partie, qui s'attribuent, ou qui prétendent être en train de faire le djihad, mais en réalité, c'est contraire. Puisqu'ils ne respectent aucun dirigeant musulman, et ils déclarent koufar les dirigeants des États musulmans, parce qu'ils font des péchés, et en même temps aussi, ils appellent les musulmans à la rébellion et à la révolte contre les chefs des États musulmans. Et donc à cause de ça, ça c'est les caractéristiques des Khawarij, de la secte, qu'on appelle la secte des Khawarij. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ces gens-là par les pires descriptions. Et parmi les noms qu'il leur a donnés, il les a appelés les chiens de l'enfer. Kilab al-Nar. Donc c'est pour dire comment ces gens-là sont graves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ahdaf al-Asnan, Sufaha al-Ahlam, en parlant d'eux. Mais ce sont des jeunes, fêtes d'esprit. Vous les entendez, il dit Yaquluna min khayri qawl al-bariya. Ils disent les meilleures paroles au monde, sauf qu'ils les mettent en dehors de leur contexte. Ils disent par exemple, la hakima illallah, ou la hukma illa lillah. C'est-à-dire, ils disent, il n'y a pas de jugement, excepté le jugement d'Allah. Il n'y a pas de loi, excepté la loi d'Allah. Sauf qu'ils l'appliquent dans un contexte contraire. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est ça ce qu'ils disent. Ils disent, ah, un tel dirigeant, ah, il ne juge pas par la charia d'Allah. Ou il ne juge pas par la loi d'Allah. Et puis il dit ça veut dire qu'il est kafir et puis on se permet de le combattre et de le tuer. C'est ça ce qu'ils disent aujourd'hui. Et la plupart de ces gens-là aujourd'hui, si vous les écoutez, ils disent que l'Arabie Saoudite c'est un pays de kufr. Ils refusent de dire que c'est un pays musulman. Donc si l'Arabie Saoudite n'est pas un pays musulman, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres pays musulmans du tout. Que c'est le pays qui applique le plus de l'islam dans le monde aujourd'hui. Et donc si lui n'est pas musulman, alors les autres sont encore moins musulmans, d'accord? Et le pire par rapport à ces gens-là, c'est que certains d'entre ceux-là, ils se réfèrent uniquement aux écrits des savants de l'Arabie Saoudite. Hein? Donc, c'est ça qui fait souvent une choubha, c'est ça ce qui fait la confusion chez certains koufars parfois qui étudient l'islam, quand ils regardent les écrits de ces groupes-là, parmi les groupes de ces khawarij, hein, ils se prétendent salafis des fois. Hein. La plupart du temps, ils critiquent et ils attaquent les salafis, ils détestent les salafis, mais ils se disent salafis parfois. Et non seulement ça, mais c'est qu'ils utilisent les en référence toujours des savants salafis. Puis après, ils les déclarent koufars, ces mêmes savants-là, ils les déclarent koufars par la suite. Donc, ils se basent sur leurs paroles, puis ils les déclarent koufars. Hein, ça, c'est pour vous dire comment ils sont extrémistes et comment ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Et dans certains même de ces sites-là, tu vas voir, par exemple, certains d'entre eux qui vont dire, on se réfère à ces savants-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas koufars. Donc, c'est ça les exemples de leurs contradictions. Donc, ça, c'est pour vous dire. Ça, c'était juste un point en passant. Donc, après, le cheikh, il dit, « Wa kana, sallallahu alayhi wa sallam, وعليكم السلام ورحمة الله يؤمر على السرايا وأما الجيوش فكان يقودها بنفسه في الغالب صلى الله عليه وسلم فقوله إذا أمر أميرا فيه أنه لا بد من نصب الأمير على الجيوش والسرايا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأجل أن ترجع إليه ولأجل أن يتولى أمرها ويحل مشاكلها ونزاعاتها ولا بد من الإمارة في الجيوش والسرايا ولا بد من الإمامة العظمى للمسلمين لأن الفوضى وعدم وجود الولاة فيه مفاسد عظيمة وفيه شر كبير وفيه أن تأمير الأمراء سواء على الأقاليم أو على الجيوش أو على السرايا يرجع فيه إلى ولي الأمر وهو الذي يؤمر وهو الذي يعزل لأن ذلك من صلاحيته في حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui déterminait qui allait être le responsable et celui qui allait être à la tête de l'armée, d'une armée ou bien d'un régiment, d'accord, parmi les gens qui allaient être dans l'armée et dans les régiments. Et en grande partie, quand c'est la question de l'armée, al-Jaysh, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était lui-même à la tête de cette armée-là. Quand il envoyait une armée, c'était en grande partie, c'était lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était à la tête de l'armée. Mais quand il voulait envoyer une partie de l'armée ou un régiment, hein, ou une troupe de combattants pour aller quelque part, il choisissait un d'entre eux et puis il le mettait à la tête des autres et puis il lui donnait des conseils et des consignes et des il lui donnait des consignes et des règles à respecter pour les autres. D'accord? Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait un chef ou un responsable pour ce groupe, dans cette armée ou dans ce régiment, il le désignait cet amir pour quelle raison? Il le choisissait et il le désignait pour que lorsqu'il y a un problème ou lorsqu'il y a une question ou un conflit, il retourne à lui pour essayer de régler ce conflit ou cette dispute ou cette question-là. D'accord? Parce que c'est une des responsabilités du responsable ou du chef de l'armée. De régler les problèmes et de trancher dans les décisions dans lesquelles il y a des divergences ou des conflits. Et de résoudre les problèmes et les difficultés et les choses qui sont, qui se produisent entre les combattants. Et le chef, il dit, il faut absolument qu'il y ait à la tête d'une armée, il faut qu'il y ait absolument un chef ou un responsable, que ce soit une armée ou un régiment. Et il faut qu'il y ait un chef suprême ou bien un dirigeant suprême à la tête de cette armée-là. Parce que si il y a le chaos et le désordre, que chaque petit groupe décide de faire ses propres attaques ou ses propres manœuvres ou des trucs de ce genre, eh bien ça ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas y avoir une armée qui va tenir le coup s'ils ne sont pas coordonnés par un seul et même responsable, un seul et même chef de cette armée-là. Et donc le mal et le chaos qui résulte du fait de ne pas avoir un chef qui est responsable de toutes les armées en même temps, hein, et bien ça c'est un mal plus grand que le bien que tu veux accomplir. Et c'est pour ça qu'on dit que tous ces petits groupes-là qui se prétendent soi-disant vouloir faire le djihad, tous ces groupes-là ne sont pas légitimes. Et le djihad qu'ils font n'est pas légitime également, puisqu'il n'est pas fait sous l'ordre et le commandement d'un dirigeant qui est responsable des musulmans. D'accord? Et le fait qu'ils soient tous séparés et divisés, ça veut dire chacun a son propre amir, et chacun décide de ses propres ordres, et ils sont souvent en train de se combattre les uns les autres à la fin, c'est ça ce qui se passe. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan à la fin de... Lorsqu'ils ont réussi à chasser les communistes, eh ben, ils ont commencé à tous s'attaquer et à se combattre tous les uns les autres parce que ils n'étaient pas unis en partant. Donc ça, c'est des exemples de qu'est-ce qu'on voit dans différents endroits, qu'est-ce qui se passe et qui nous montre que l'importance qu'il y a un dirigeant. Même les forts, quand ils font la guerre et quand ils sont une coalition, hein, de différents pays, eh ben, il y a quand même un d'entre ces pays-là qui va être à la tête des autres et qui va coordonner tout ce que les autres pays vont faire, hein, que ce soit le Pentagone ou que ce soit le chef d'un État, c'est lui qui va donner les ordres aux autres pays. Qu'est-ce que vous faites? Vous attaquez là, vous attaquez pas, vous faites ci, vous faites ça, vous allez à tel endroit, vous allez à tel endroit. Parce que s'ils ne coordonnent pas leurs actions en même temps et s'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, s'il n'y a pas un seul chef, eh bien, ça va pas jamais être capable, ils vont jamais être capables de faire quoi que ce soit. D'accord? Non, ils vont se tirer les uns les autres. C'est ça le problème. Et donc, ça, c'est un exemple. Et après, surtout aujourd'hui, je pensais à ça l'autre fois, à l'époque, lorsqu'il y avait les guerres, à l'époque du professeur Hassan, puis après, il y avait un chef qui était à la tête de l'armée, et puis, par la suite, il donnait ses ordres, ainsi de suite. Et imaginez aujourd'hui, subhanallah, tellement avec les moyens techniques et l'avancement et tout ça, maintenant c'est rendu que chaque soldat, il a un haut-parleur et un micro, hein, ils peuvent tous se parler, tous en même temps, ils savent où ils sont, puis il y a tous les équipements vraiment sophistiqués, tu dis, mais imaginez, hein, maintenant c'est comme vraiment ils communiquent entre eux. Ah ouais, même dans le football, ils ont leur micro et tout. Allah musta'an. Donc c'est pour vous dire comment aujourd'hui c'est devenu tellement sophistiqué les trucs, alors qu'à l'époque, ils réussissaient, le chef de l'armée, à contrôler tous ces hommes-là, hein, sans avoir tous ces moyens techniques-là, mais quand même, ils savaient comment gérer les batailles, puis comment organiser toutes ces choses-là. Donc il y a ce point-là qui est très important. Il y en a qui disent, parmi les takfirines et les djihadis, il n'y a pas besoin d'amis, il n'y a pas besoin d'être unis. On va combattre et puis l'important c'est qu'on le fasse et n'importe comment, sans condition. Et ça, bien entendu, on a tous vu les résultats de ça. Ils n'ont rien réussi à faire de bon avec cette méthode et c'est la méthode des khawarij, hein, la méthode de ceux qui ne respectent aucune autorité, hein, et qui pensent qu'ils vont réussir à établir quelque chose de cette façon-là. Donc ça c'est l'égarement total, et c'est contraire au Coran, à la Sunna et à la voie des salafs salih. Après le Cheikh dit « Wa fihi anna ta'mir al-umara sawa'a ala al-aqalim ou ala al-juyush ou ala al-saraya yarji'u fihi ila wali al-amr. Wa huwa alladhi yu'ammir wa huwa alladhi ya'zilu. » Donc le Cheikh dit il y a également dans ça la preuve que le chef de l'État c'est lui qui va décider qui va être par exemple à la tête d'un régiment pour telle région ou pour telle armée ou pour tel régiment, c'est lui qui va décider. C'est à lui que le commandement revient. C'est lui qui décide qui il met à la tête d'un groupe de combattants, qui est-ce qu'il enlève d'un groupe ou d'un régiment, et ça fait partie de ses tâches et de ses responsabilités dans les limites de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le chef, il dit, أوصاه بتقوى الله وهذا من عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور المسلمين وهكذا ينبغي لولاة أمور المسلمين أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فيوصوا أمراءهم ومن تحت أيديهم بتقوى الله وتقوى الله هي فعل أوامره وترك نواهيه سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله فالتقوى معناها اتخاذ الوقاية من عذاب الله وسخطه وغضبه وذلك إنما يكون بطاعته وترك معصيته خوفا من عقابه ورجاء لثوابه وهي كلمة جامعة تجمع خصال الخير كلها ولذلك أوصى الله بها في كتابه في مواضع كثيرة كقوله تعالى يا أيها الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم وفي كثير من الآيات فهي كلمة جامعة ومن اتقى الله فهو أشرف الناس قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالتقى هو فالتقي هو الكريم عند الله سبحانه وتعالى دون نظر إلى نسبه أو إلى ماله أو إلى جاهه إلى جاهه. الشيخ الذكر lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il continue l'explication du hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi un chef à la tête de son armée il lui donnait comme conseil d'avoir le taqwa d'Allah c'est-à-dire de craindre Allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire que le cheikh il explique il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait c'est-à-dire il prenait attention il avait une attention particulière pour tout ce qui avait rapport avec les questions et les affaires des musulmans Et c'est comme ça que le chef et le dirigeant des croyants et le dirigeant des musulmans doit faire. Il doit suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ces choses-là. Donc lorsque le chef de l'État musulman choisit un chef pour son armée ou un responsable pour son armée, il doit lui ordonner de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et il doit également ordonner à ceux qui sont sous son commandement de craindre Allah subhanahu wa ta'ala eux aussi. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien at-taqwa, d'avoir at-taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire de faire ce que Allah nous ordonne et d'abandonner ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de faire. Et on l'appelle taqwa en arabe parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui te يعني تقي من عذاب الله يعني فتبروتيج دو شاتيمان الله سي دو سا كو سا فيان ان عرب وقايه يعني une protection c'est quelque chose qui te protège du châtiment d'Allah parce que tu prends une protection contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et contre sa colère en faisant ce qu'il t'ordonne et en t'écartant de ce qu'il t'interdit de faire parce que tu as peur de son châtiment et tu espères en sa récompense. Et c'est ça la signification du mot taqwa en arabe. Et c'est une parole qui réunit toutes les caractéristiques et les formes de bien en entier. Il y a tout dedans. Quand tu dis al-muttaqoun, hein, les muttaqoun, c'est-à-dire ceux qui ont al-taqwa, ben ça implique tout ce qu'il y a de bien dans l'islam. Ces caractéristiques et ces aspects qui font partie de la foi, de l'islam et de l'ihsan et toutes les règles de la religion sont réunies dans ce mot-là. Ok, at-taqwa. Donc, at-taqwa c'est la religion en entier. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne dans son livre, dans plusieurs versets, d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « Oh vous les hommes, craignez votre Seigneur, ayez at-taqwa pour votre Seigneur ». Et ça c'est dans plusieurs versets. Et donc c'est une parole qui résume l'islam en entier. Et il dit également que celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a la caractéristique de at-taqwa, c'est la personne qui est pour Allah la plus noble. Elle est la plus noble des êtres humains, celui qui a at-taqwa. Et il mentionne le verset dans sourate al-Hujurat, le verset 13, qui dit « Inna akramakum inda Allahi atqakum » c'est-à-dire le plus noble pour Allah subhanahu wa ta'ala d'entre vous, c'est celui qui a le plus de taqwa. Donc celui qui a le plus de taqwa, qui s'écarte de ce que Allah a interdit et qui fait ce que Allah lui ordonne, le plus, alors cette personne-là, c'est celle qui est le plus noble pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si cette personne-là, c'est-à-dire peu importe son statut, peu importe sa lignée, c'est-à-dire ses descendants, peu importe ses biens, sa richesse, peu importe par exemple son statut ou son prestige qu'il a dans la société, peu importe sa couleur ou autre chose de ce genre, nationalité, s'il a taqwa, il est plus aimé d'Allah. Et s'il a moins de taqwa, il est moins aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est moins noble pour Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa, c'est ça le critère par lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il anoblit quelqu'un ou bien il rabaisse quelqu'un. Et c'est-à-dire si la personne manque de taqwa, il le rabaisse à cause de ça. Et le cheikh dit ensuite وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا أي أَوْصَاهُ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ تَحْتَ يَدِهِ مِنَ السَّرِيَّةِ أو الجيش خَيْرًا بأن ينصح لهم ويتولى أمرهم ويدبر شؤونهم ويدبر شؤونهم وينظر في مصالحهم ويحل مشاكلهم ويرفق بهم فليست المسألة مسألة إمارة فقط أو نيل مرتبة فقط أو نيل لقب. Le cheikh il dit que en plus d'ordonner aux dirigeants aux chefs de l'armée d'avoir taqwa, il ordonne également à tous les musulmans qui sont sous son commandement d'avoir eux aussi taqwa. Et le cheikh il dit que il ordonne aux musulmans qui sont avec ce chef-là, et à ceux qui sont sous son commandement, que ce soit un régiment ou une armée, d'avoir taqwa eux aussi et d'obéir dans le bien, ainsi de suite. Et il leur ordonne, il leur donne pour eux donc de bien s'occuper de leurs affaires. Il ordonne aux chefs de cette armée-là de bien s'occuper de leurs affaires et de regarder dans leur intérêt et de régler leurs problèmes et leurs conflits entre eux et de faire preuve de douceur envers eux. Et c'est pas juste donc une question d'avoir la responsabilité et d'être le chef de l'armée ou d'avoir le grade dans l'armée, pour dire t'es un commandant, un capitaine ou un sergent ou quelqu'un qui est haut placé dans l'armée. C'est pas juste ça. C'est principalement de voir au bien de tes soldats, de voir au bien de tes officiers, de voir au bien de ceux qui sont sous ton commandement et de faire en sorte que ils aient qu'on s'occupe bien d'eux. C'est ça que ça veut dire, parce qu'il y a des gens qui pensent juste au prestige du grade, et du niveau qu'il atteint dans l'armée. Et ça, c'est pas ça le plus important. Le cheikh dit ensuite, ثم يقول للأمير وللجيش وللسرية يقول للجميع اغزو الغزو هو قصد العدو والذهاب إليهم. Le cheikh dit que le professeur sallam dit ensuite au chef de l'armée ainsi qu'à l'armée ou au régiment, il leur dit à tous اغزو. Et le mot al-ghazw, dans la langue arabe, ça veut dire de partir dans le but d'aller vers l'ennemi. C'est ça que ça veut dire. Des fois, on traduit par expédition ou bien combat ou de partir au combat, ainsi de suite. Donc c'est ça, ça veut dire. Ou dans invasion ou des choses comme ça. Ça veut dire que tu t'en vas vers l'ennemi. Urzu. Le professeur Hassan, il dit urzu, bismillah. بسم الله أي مستعينين بالله وهذا فيه بداءة الأمور المهمة بسم الله لأن الإنسان إذا بدأ بشيء فإنه يبدأ بسم الله فإذا شرع في السفر أو شرع في الغزو أو شرع في الأكل أو الشرب والدخول في البيت أو المسجد حتى الدخول في محل قضاء الحاجة يقول بسم الله قبل الدخول لأن هذا الاسم يعصمه من الشيطان وتنزل عليه وعلى عمله وعلى فعله الرحمة والبركة كما يذكر اسم الله على الذبائح عند التزكية بل جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أي ناقص البركة فتبدأ به الرسائل والمؤلفات وتبدأ به الدروس والنصائح وتبدأ به سور القرآن الكريم وما عدا سورة براءة فبسم الله كلمة عظيمة تبدأ بها مهام الأمور. Le chef il dit que ensuite donc il disait partez au combat, il disait aux combattants partez au combat. Puis le chef en dit bismillah, c'est-à-dire au nom d'Allah. Et juste je voulais juste faire un petit point ici à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a ce point-là que beaucoup parmi les kuffars ne comprennent pas, parmi les chrétiens, parmi les juifs, parmi les athées aussi, ils ne comprennent pas l'islam. Parce que pour eux, ils comparent toujours l'islam avec le christianisme. Et ils se disent toujours, le christianisme, c'est une religion qui prêche la paix, qui prêche l'amour, en théorie. Hein. Ils disent toujours, ah, il faut aimer tout le monde, il faut aimer son prochain, il faut aimer les autres, ainsi de suite. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis, quand ils entendent parler de l'islam, puis ils lisent les versets dans le Coran qui parlent, par exemple, du combat ou de la lutte, ou des choses de ce genre, alors eux, en comparant ça avec le christianisme, ils se disent, mais comment tu peux dire, par exemple, Bismillah, au nom d'Allah, avant de combattre, alors que tu vas aller tuer des gens, tu vas aller lutter, tu vas te faire tuer, tu vas tuer des gens dans le combat, ainsi de suite, comment tu peux faire ça dans la religion? Et il y en a qui disent, par exemple, l'islam, par exemple, ils enseignent de faire la guerre sainte, c'est-à-dire, tu vas tuer des gens, tu vas combattre, et puis ça va être quelque chose que tu vas faire au nom de Dieu ou au nom de la religion. Comment tu peux faire ça au nom de Dieu? C'est pas correct. Donc ça c'est ce qu'ils s'imaginent. C'est parce que la religion chrétienne, c'est pas la religion de Isa alayhi salam. Ça c'est premièrement, c'est ça qu'il faut comprendre. La religion que les chrétiens aujourd'hui pratiquent, c'est pas la religion de Jésus. Déjà Jésus lui-même, on lui attribue des paroles dans le Nouveau Testament en disant par exemple, ne pensez pas que je sois venu pour faire la paix. Je ne suis pas venu pour la paix. Je suis venu avec le glaive, même avec l'épée. C'est ça qu'il a dit lui-même. Et dans beaucoup de versets dans l'Ancien Testament, on voit des exemples, même où Moïse a fait la guerre contre d'autres peuples à son époque, sous l'ordre d'Allah, l'ordre de Dieu. Hein. Et on a vu aussi David qui a combattu Goliath. Hein. Tout ça, c'était au nom de Dieu et sous l'ordre de Dieu. Il y a eu beaucoup de guerres aussi, à l'époque de Salomon et à d'autres époques aussi. Donc, l'islam, c'est une religion qui est réaliste. Parce que la guerre, ça fait partie de la réalité de la vie. Il y en a toujours eu à travers l'histoire de l'humanité et il va toujours y en avoir. Et donc, la différence avec l'islam, c'est que l'islam vient mettre des lois et des règles. Quand les kuffars, eux, ils font la guerre, ils n'ont aucune loi et aucune foi. Ils ne respectent rien, ils ne voient rien. Ils tuent tout ce qui bouge. Ils n'ont aucune pitié. Tandis que le musulman, il a une foi et il a une loi à respecter. Et il a une morale aussi à suivre. Bien entendu, il y a des groupes, parmi les groupes de djihadi ou de takfiri, qui sont en train d'imiter les kuffars dans leur façon de combattre, dans leur façon de faire des, soi-disant, des rébellions, ou des révoltes, ou des révolutions, ou bien de faire des soulèvements populaires, ou des choses de ce genre. Et ils utilisent le terrorisme, ils utilisent toutes sortes de manières sauvages pour, soi-disant, se venger des ennemis. Tout ça, c'est rien, ça n'a rien à voir avec le djihad, ça n'a rien à voir avec l'islam non plus. Sauf que c'est juste pour faire comprendre que ces groupes, la plupart de ces groupes-là, qui font le takfir et qui appellent au djihad d'une façon incorrecte, sont en grande partie souvent influencés par les idéologies des kuffars, soit des communistes ou des socialistes ou des gens de ces tendances-là. Ils ne retournent pas à aux bases de l'islam et aux principes de l'islam pour comprendre le principe du djihad islamique. Et donc c'est pour ça qu'ils tombent dans toutes sortes de formes d'extrémisme. Et souvent, ces groupes de djihad, soi-disant djihad, parce qu'ils n'ont rien à voir avec le djihad, mais ces groupes de façade, de corruption, on pourrait les appeler comme ça, comme Cheikh Mukhbel l'a dit, ces groupes de façade sont contrôlés par les kuffars. Et ils travaillent pour les intérêts des kuffars, parce qu'ils sont utilisés par la suite pour justifier des attaques et justifier des comportements par la suite, comme qu'est-ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Hein, ils vont dire, ah mais on agit comme ça parce qu'à cause de ces terroristes-là, à cause de ces groupes-là. Hein, et donc ils essaient de justifier ça par la suite, par, à cause de l'attitude de ces groupes, de Khawarij. Donc l'islam c'est comme on a dit, une religion réaliste. Et quand vous entendez par exemple des chrétiens qui vous disent, ah mais regardez, nous notre religion, le christianisme, nous enseigne la paix, nous enseigne que tu dois aimer ton ennemi, nous enseigne que tu dois tourner l'autre joue quand quelqu'un te frappe. Demande à tous ces gens qui te disent ça parmi les chrétiens, quand dans votre histoire, vous les chrétiens, quand est-ce que vos gouvernements ont respecté ces règles-là de la Bible? Est-ce que c'est à l'époque des Européens, en Europe, ou est-ce que ça a été pendant les croisades, ou est-ce que ça a été pendant la colonisation? Ou est-ce que ça a été à l'époque moderne dans les deuxièmes guerres mondiales, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, ou bien est-ce que ça a été avec les guerres qui ont été faites par les Américains dans les pays, dans le monde entier? Est-ce que eux, ils ont appris à tourner l'autre joue? Hein? Jamais on a trouvé des exemples pratiques appliqués de ces règles du christianisme dans les pays où les chrétiens ont fait la guerre et ont attaqué. Donc, qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Vous nous parlez d'une théorie ou d'une idée, hein, qui est soi-disant mentionnée dans vos livres, et vous les appliquez dans un autre contexte qui ne s'applique pas aujourd'hui, puisqu'il n'y a aucun gouvernement, hein, malgré que la plupart de ces gouvernements-là sont des gouvernements de pays chrétiens, mais il n'y en a aucun qui dirige au nom du christianisme et qui font des activités ou des choses au nom du christianisme, sauf qu'ils utilisent la religion quand même. Hein? Par exemple, ils envoient des missionnaires dans les pays musulmans ou non musulmans pour essayer de propager la parole du christianisme, puis après ça, ils rentrent avec leurs armées. C'est ce qu'ils ont fait dans l'histoire. Donc c'est pour dire que l'histoire de tourner l'autre joue, c'est l'histoire de dire qu'on aime nos ennemis. Où est-ce que vous aimez vos ennemis? Quand est-ce qu'on a vu que les chrétiens dans l'histoire, ils ont aimé leurs ennemis et ils ont tourné l'autre joue? Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. D'accord? Et donc, c'est pour dire, dans l'islam, on ne trouve pas ça, ce principe-là. Mais on retrouve les principes de justice, d'honneur, de respect, hein, et des règles. On ne retrouve pas ces histoires de dire, par exemple, tu vas tourner l'autre joue, où tu vas te laisser écraser et tu vas aimer tes ennemis. Hein? Non, il n'y a personne qui dit ça. C'est vrai, dans l'islam, on a les règles dans le Coran qui nous disent, si quelqu'un te fait du mal, tu peux remettre ce mal-là par un bien. Et ça, c'est quelque chose de bien. Mais il y a une chose aussi que les chrétiens y mettent en dehors de son contexte, c'est que lorsque Jésus parle d'aimer ses ennemis, il parle de quel ennemi? Et il parle dans quel contexte? Parce que Jésus est envoyé aux Juifs en particulier et non pas à toutes les peuples de la terre. Et donc il s'adresse en particulier à la brebis de la maison d'Israël, à la brebis perdue de la maison d'Israël. Et il essaie de réformer le peuple d'Israël et non pas tous les êtres humains. Et donc eux, aujourd'hui, ils ont voulu appliquer les règles de Jésus à tous les peuples et à toutes les religions, à tout le monde, alors que dans le contexte dans lequel Jésus les disait, soi-disant si ces paroles-là sont réellement ces paroles, parce qu'on sait que l'authenticité de la Bible n'est pas affirmée, hein, et ben c'est juste pour dire que si c'était réellement ces paroles, et ben il faudrait les remettre dans leur contexte. Hein. La même chose quand il dit par exemple « Rendez à César ce qui est à César », c'est que tu dois remettre ça dans le contexte que à l'époque la Palestine est un pays colonisé par les Romains. Hein. Et donc c'était pas, ils n'avaient pas le contrôle de leur économie ou de leur politique à l'époque. Il faut apprendre aussi à remettre les choses dans leur contexte politique et social de l'époque. De toute façon, oui, bien sûr, parce que un pourrait dans Bourdin, c'est les lois du talion qui ont été révélées à Moïse. Et En fait, il se contredit, parce que Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Hein, mais les chrétiens, eux, après Paul, ils n'ont pas pris en considération ces choses-là. Mais ça, c'est juste des pour faire comprendre, de toute façon, parce qu'on sait que leur livre, de toute façon, comme Cheikh Ahmed al-Najmi et d'autres ulama ont expliqué, quand on parle de la Bible, il y a deux choses qu'on peut dire. Soit que c'est vrai, sauf que ça a été abrogé, ou soit que ça a été falsifié. Ça, c'est les deux cas qu'on peut trouver dans qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible, de toute façon. Et puis, dans le sens que il y a des choses qui peuvent être vraies, qu'on va lire, qui sont correctes, mais il y a des choses qui ont été falsifiées, et il y a des choses qui sont vraies, qui ont été abrogées. Puis il y a des choses qui sont exactement pareilles à qu'est-ce qui est dans l'islam, comme par exemple la loi du talion. Ça, c'est dans l'islam, comme c'est dans la loi de Moïse, comme c'est dans les paroles de Jésus également. Et eux, ils essaient de dire, non, ça c'était à une époque où les gens étaient barbares, les gens étaient primitifs, ils n'avaient pas encore compris l'évolution, puis là maintenant, alors que au contraire, ces gens-là étaient beaucoup plus évolués à l'époque qu'aujourd'hui, hein, ils comprenaient beaucoup plus la réalité de la vie que les hommes d'aujourd'hui. Hein. Donc c'est juste une note en passant pour répondre à ces gens-là, parce qu'il y en a beaucoup qui mélangent. L'islam, c'est pas une religion qui peut être comparée à d'autres. L'islam, c'est la religion des prophètes, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, elle a des règles qui régissent tous les aspects de la vie. Pas seulement l'aspect spirituel, mais l'aspect aussi de la vie réelle qu'on doit vivre, que ce soit économique ou politique ou social ou militaire aussi. Et le fait que ces gens-là, dans le christianisme, ils n'ont pas pris en considération les lois divines en ce qui concerne la guerre et les aspects militaires, eh bien, c'est ce qui est arrivé. On a vu les transgressions qui se produisent de la part de ces gens-là lorsqu'ils rentrent en guerre. Ils n'ont aucune limite, aucune morale, aucune pitié, hein, en grande partie. Et donc, même avec les droits de l'homme qu'ils prétendent soi-disant aujourd'hui vouloir suivre, eh bien, on voit que si quelqu'un a la force dans leur gouvernement, il est même capable de piétiner les droits de l'homme sans aucun remords. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. On le voit. Bon. Donc, on combat au nom d'Allah. Et quand on dit au nom d'Allah, ça veut dire on demande l'aide d'Allah dans ce combat-là. Et dans l'islam, toute chose importante, on doit le commencer par le nom d'Allah. Parce que le cheikh, il dit, peu importe qu'est-ce que tu commences, tu dois commencer par le nom d'Allah. Si tu as l'intention de partir en voyage, ou de partir au combat, ou avant de commencer à manger ou de boire, ou avant même de rentrer chez toi ou à la mosquée, et même parfois même avant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, même avant de rentrer aux toilettes, tu dois dire le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de rentrer, parce que ce nom-là te protège contre le diable, et il fait en sorte que lorsque tu le prononces, il y a une miséricorde et une bénédiction qui te couvre à ce moment-là de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui t'amène du bien, qui t'amène la miséricorde et qui t'amène la baraka, la bénédiction. Et aussi, avant de dégorger un animal, tu mentionnes le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a même eu une mention dans un hadith de cette parole-là, dans le sens que toute chose importante qui n'est pas commencée ou débutée par le nom d'Allah, alors elle sera coupée, c'est-à-dire elle n'aura pas de bénédiction. Et donc le chien, ça, je pense que, oui, « Kul amrin bibal, la yubda'u fihi bismillah, fa huwa abtar. » Puis il y a un autre hadith qui dit, il y en a un hadith qui parle de Bismillah, il y en a un hadith, mais je pense qu'il est daïf ce hadith-là. Oui, il y en a. Oui, c'est ça, c'est pas le même. Mais je crois que celui-là, il n'est pas authentique. Je ne me souviens plus, malheureusement, j'ai oublié. Mais c'est juste pour dire. Mais je pense que le chef, il n'a pas dit, il n'a pas mentionné que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Il a juste dit, c'est rapporté dans le hadith. Donc, ça c'est un hadith qui est rapporté souvent à l'introduction des livres. Et les savants le mentionnent, même s'il n'est pas authentique, mais c'est juste pour donner un exemple. Parce que même si la hadith n'est pas authentique, on a d'autres preuves pour nous indiquer qu'on doit commencer par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de faire quelque chose, comme par exemple le fait que les versets du Coran sont commencés par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait des lettres, il commençait aussi par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc ça, ça nous indique Sulaiman aussi dans la lettre qu'il a écrite dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a commencé Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le basmala, ça veut dire la forme que je dis Bismillah. Ouais, quand tu dis le fait de dire Bismillah en arabe, on appelle ça le basmala. Hein? Bon, donc c'est ça. Ça veut dire que tu dois commencer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quand il écrivait une lettre, ou même quand les ulama écrivent des livres, et quand ils commencent leur durus et leur cours, ils commencent toujours par Bismillah. Donc tu commences tout ce que tu fais par Bismillah, et même les versets du Coran sont débutés par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sauf Surat Bara'a ou Surat Tawba, il n'y a pas Bismillah au début. Mais dans les autres, il y a Bismillah, et donc c'est une grande parole et qui est importante, et on doit débuter toute chose importante par Bismillah. Il y a même un dua que lorsque tu le dis, quand tu te réveilles, tu dis Bismillah. Bismikallahumma amutu wa ahya. C'est en ton nom, ou Allah, que je vis et que je meurs. Tu peux le dire avant de dormir. Bon, tu le dis avant de dormir, ça c'est avant de dormir, mais Yanni, quand tu te réveilles aussi, c'est comme si pour dire quand tu... Oui, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. C'est ça. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, à celui qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que sera le rassemblement ou bien la résurrection. Donc c'est pour dire que quand tu dors, en fait, c'est comme si c'est une sorte de mort aussi, une petite mort. Puis oui, parce que quand tu meurs, Allah il enlève ton âme. Quand tu dors, Allah il prend ton âme pendant ce temps-là, puis il la remet par la suite au jour de au matin au réveil. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wa allati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, comme c'est mentionné dans sourate Fatir. Non, dans Zumar, c'est ça. Donc celle qui meurt, il la garde, et celle qui se réveille, il la renvoie pour qu'elle continue sa vie jusqu'à un terme préfixé. Et puis ensuite le cheikh dit: fi sabilillah, yani an al-ghazwa la yakun li talab al-mulk aw li talab al-mal aw at-tasallut 'ala an-nas, هذا شأن أهل الجاهلية، وإنما يكون الغزو لمصالح المغزوين، وليس للانتقام منهم إذا لم يصروا على الكفر، وإنما هي لمصالحهم ولأجل إنقاذهم من الكفر وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فهو في سبيل الله، القصد منه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، والمصلحة في هذا عائدة إلى المغزوين وإلى الغازين أيضا، فالغازو يكون لهم أجر الجهاد في سبيل الله وأجر الشهادة والغنيمة، والمغزوون يكون لهم إخراجهم من الكفر إلى الإيمان، ومن الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإسلام. Donc, le chef ici, il explique un point important pour comprendre la réalité de ce que signifie le djihad dans l'islam. Il dit que, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit: « Urdu bismillah wa fi sabilillah », c'est-à-dire, partez au combat au nom d'Allah et dans le chemin d'Allah, ou dans le sentier d'Allah. Et le chef, il explique que le combat, lorsque les croyants partent au combat dans l'islam, c'est pas pour essayer de chercher le pouvoir ou le contrôle sur la terre. C'est pas ça le but. C'est pas non plus le but de prendre l'argent des gens. C'est pas non plus le but de prendre le contrôle ou de diriger les gens ou de contrôler les gens. C'est pas ça le but. Hein? Ça c'est comment les causes des guerres qui existaient avant l'islam. Avant l'islam, les gens se battaient pour ces choses-là. Et comme aujourd'hui, les kuffars, c'est pour ça qu'ils luttent et c'est pour ça qu'ils font la guerre. Pour prendre le pétrole ici, ou pour faire, pour prendre le contrôle de tel pays, hein, ou bien pour la fierté, ou pour la vengeance, ou pour d'autres raisons de ce genre, pour montrer leur force, ou leur fierté, ou les choses de ce genre. Nous, les musulmans, si on fait le djihad, c'est pas pour aucune de ces raisons-là. D'accord? Le cheikh, il dit, nous, les musulmans, si on fait un combat ou une guerre, hein, c'est uniquement pour l'intérêt et le bien des gens contre qui on combat. C'est pour leur bien à eux, en premier. Hein? Ça, c'est quelque chose, les gens, quand tu leur dis ça aujourd'hui, ils comprennent ça, ils vont pas croire à ça. Hein? Ils disent, comment vous faites la guerre contre nous parce que pour notre bien, hein? C'est comme, en fait, quand quelqu'un, comme on expliquait au dernier cours, quand quelqu'un, par exemple, il va donner une correction ou bien il va punir son enfant. Est-ce que c'est parce qu'il aime ça son enfant qu'il va lui donner une correction ou qu'il va le punir? Non. Au contraire, c'est parce qu'il lui veut du bien. Eh bien, quand les musulmans vont combattre les koufars, c'est pas parce qu'ils ne leur veulent pas du bien. C'est au contraire, c'est parce qu'ils leur veulent du bien. Hein? Et le cheikh, il dit donc que on combat les koufars, c'est pour leur bien à eux. C'est pas pour se venger d'eux. Hein? Si par exemple ils refusent de rester, par exemple ils refusent de rester, إذا لم يصروا على الكفر. Par exemple, ils acceptent l'islam puis toi tu les combats parce que tu veux te venger d'eux. Hein? Et que même s'ils acceptent l'islam, tu continues à les combattre par la suite, non? Et ça me fait penser justement dernièrement à ce que j'ai lu dans un forum musulman, Allah musta'an, il y a un musulman qui expliquait que si le juif, le zioniste, le juif en Palestine ou ailleurs, accepte l'islam et dit « La ilaha illallah », eh bien il sera excusé tout ce qu'il a fait auparavant comme tuerie ou comme injustice ou comme meurtre ou crime. On ne peut pas lui toucher même pas un seul de ses cheveux. Du moment qu'il a dit « La ilaha illallah », Muhammad Rasulullah, il devient musulman et puis il devient ton frère. Tout ce qu'il a fait auparavant, c'est effacé. Hein, et il est pardonné pour ça. Donc là, l'autre qui n'était pas d'accord avec cette personne, elle a répondu, elle a dit « C'est pas à toi de pardonner et t'es pas palestinien ». C'est pas ta terre qu'on a pris, hein, c'est pas ton peuple qu'on a tué, hein. Et donc, ça vous montre la mentalité, comment les gens pensent aujourd'hui. Ils voient que c'est une chose nationaliste. Comme si la Palestine, c'est une terre qui appartient à un peuple, et ils se battent pour la terre seulement, et, les juifs, on les déteste. Pour des raisons matérielles, seulement pour des causes de terre ou de territoire ou d'argent et de dunya, et que s'ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils vont continuer quand même à les tuer et à se venger d'eux parce que c'est soi-disant ils ont fait du tort et de l'injustice à un peuple, et ils voient pas les choses du tout par rapport au Coran et par rapport à la Sunna, et ils voient les choses uniquement par rapport à ou d'un point de vue nationaliste, matérialiste, et c'est tout. Hein? Une vengeance pour un territoire, ou pour un peuple, ou pour de l'argent. Alors que le djihad, c'est pas pour ça. Hein? Exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure terre à l'époque, c'était la Mecque. Il a quitté la Mecque au Mushrikin. Il est allé à Médine pour Allah, parce que là-bas, ils pouvaient pratiquer l'islam. À Mecca, ils ne pouvaient pas pratiquer l'islam. Et malgré que c'est la meilleure terre au monde, la terre bénite, la terre d'Allah, malgré ça, il a quitté cette terre-là, parce qu'il ne pouvait pas pratiquer sa religion comme il faut là-bas. Il est allé à Médine, hein, jusqu'à ce qu'il puisse par la suite revenir et reprendre la terre. Et même le prophète Hassan, à l'époque, quand il y avait des juifs à Médine, il est allé les voir, les juifs, il leur a dit, les juifs acceptaient l'islam. Et les juifs l'ont dit, oh prophète, tu as transmis ton message. Oh Mohammed, tu as transmis ton message. Hein? Et il a répété ça encore une deuxième fois. Ils ont répété la même chose. Il a répété une troisième fois, il a dit la même chose. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh les juifs, sachez que la terre appartient à Allah et à son messager. Hein? Et donc, la terre, elle appartient à Allah. Elle appartient pas aux êtres humains. Et la terre, il la donne à qui il veut, et il l'enlève à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala. Et il demande aux croyants d'établir sur la terre le tawhid et l'unicité d'Allah et de combattre le shirk. Et il demande aux croyants d'établir l'ordre et la justice sur la terre et pas le désordre. Peu importe la couleur ou l'origine ou la langue de ce peuple. C'est pas ça l'important. L'important, c'est est-ce que ce peuple-là, c'est un peuple mu'min? Est-ce qu'ils vont établir la justice d'Allah? Est-ce qu'ils vont établir le tawhid, l'unicité d'Allah? Est-ce qu'ils vont éliminer et enrayer l'idolâtrie et le shirk? C'est ça l'islam. On combat pour le tawhid. Faut ramener le tawhid sur la terre et élever la parole d'Allah. Pas pour des biens matériels ou pour les principes ou pour les idées de gagner plus d'argent ou pour avoir l'indépendance de ci, de ça. Non. C'est pour la loi d'Allah qu'on dit. Le cheikh, c'est le cheikh Al-Fawzan. Mais tous les ulama ont dit ça. Tous les ulama de l'islam, ils ont expliqué ça comme ça, le djihad. Hein? Et après, le cheikh, il dit, donc, c'est pas pour se venger, une vengeance personnelle. Ah, les juifs, vous nous avez fait ça, donc on va vous faire la même chose. Non. C'est pas comme ça dans l'islam. On se bat pas pour nous-mêmes. On se bat pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, on le fait comme Allah nous demande de le faire. Et dans les limites, hein, quand les mouchriquins ont tué l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il y avait des mouchriquins pendant une bataille, ils ont tué l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, la personne, je pense que c'était Hind, qui avait fait ordonner que, qui avait fait tuer l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien plus tard, Hind, cette même femme qui était une mouchrika, qui avait fait ordonner de faire tuer l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle est venue, elle a dit « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah ». Tout ce qu'elle a fait avant, ça a été effacé, pardonné. Tous les mouchriquins qui avaient combattu l'islam pendant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du moment qu'ils se sont convertis à l'islam, tout le mal qu'ils avaient fait aux musulmans, tout ça, ça a été pardonné. Ils sont devenus comme des frères, du moment qu'ils acceptent l'islam. Hein? Après, le cheikh, il dit « et c'est pour leur bien qu'on les combat ». Et c'est pour les sauver de la mécréance et pour les faire sortir des ténèbres vers la lumière. Donc c'est un combat dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le but de ce combat, c'est d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. De faire en sorte que la parole d'Allah et la loi d'Allah soient au-dessus de la parole de tout autre système ou loi ou religion ou idole ou quoi que ce soit. C'est la parole d'Allah qui doit être au-dessus. Ok? Et le bien de ça, ça revient aux gens qui sont combattus et ça revient également aux combattants. Parce que les gens qui sont combattants, ils ont la récompense d'avoir fait le djihad. Et le djihad, c'est une adoration avant tout. C'est pas juste tu vas combattre pour combattre, pour montrer ta force, ton courage, que tu es fort au combat. Non, c'est avant tout. Parce que tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu veux adorer Allah en faisant ça. Tu fais un sacrifice, tu fais un effort. Hein? Donc tout ça, ça fait partie de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une grande récompense pour le fait de faire le djihad. Il y a plein de hadiths qui parlent de ça. Et donc, tu as la récompense du djihad et tu as la récompense du shahada. Ça, c'est dans le cas où, par exemple, tu vas aller faire le djihad et tu meurs dans la bataille. Eh bien, tu vas avoir la récompense du martyr. Ça, c'est une grande récompense aussi. Hein? C'est eux, parmi les gens qui vont être les plus hauts dans le paradis, c'est les martyrs. D'accord? Et il y a les koufars qui aiment beaucoup se moquer des musulmans parce qu'on dit que les martyrs, ils auront un nombre de vierges dans le paradis et pour eux, ça, c'est comme, pour eux, c'est ridicule de croire en ça. Bien entendu, ils veulent se moquer de ça. Alors que pour nous, au contraire, c'est quelque chose qui nous encourage et qui nous incite justement à faire plus d'efforts, plus de sacrifices dans le djihad. Sauf que, ouais, mais c'est pas que, C'est ça. On peut, dans ce monde, on peut en avoir quatre, mais c'est limité. Tandis que dans le paradis, si tu mets un martyr, tu vas en avoir plus que ça. Mais le point, c'est que c'est pas comme les takfiris et les djihadis et les khawarij, qu'est-ce qu'ils font, qu'ils vont se faire sauter eux-mêmes, ils vont se suicider, et puis ils pensent qu'en faisant ça, ils vont avoir une récompense. Non. Il faut faire les choses dans les règles de l'islam pour avoir cette récompense-là. C'est pas que tu vas aller te faire sauter toi-même, hein, dans une place publique, ou bien dans un marché, ou bien là où il y a des femmes et des enfants et des vieillards, et tout, des gens qui sont même pas des combattants, hein. Et puis tu utilises des arguments soi-disant que, ah, étant donné qu'on est dans une démocratie, le pouvoir ça appartient au peuple, et donc tous les pouvoirs sont responsables parce qu'ils sont tous des gens qui ont le pouvoir puisque c'est une démocratie. Ça c'est des arguments tordus, hein. C'est des gens vraiment malhonnêtes qui réfléchissent de cette manière-là, hein, qui ne font même pas de distinction entre l'armée et les dirigeants puis le peuple. Parce que cette histoire de démocratie-là, c'est juste en apparence. Exactement, il y a plein de, parmi le peuple eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord avec la guerre. Et les dirigeants, eux, quand ils décident quelque chose, personne ne peut les arrêter. Même si tu fais c'est pour ça, en fait, même c'est un argument contre les manifs. Même si tu fais des manifs après manifs, là, à travers le monde entier, là, quand eux, ils ont décidé, ça y est, personne ne peut les arrêter. Et c'est ça qu'on voit la réalité, que les manifs ne servent à rien. Hein, c'est juste pour essayer de montrer aux gens que soi-disant, tu es en train de faire quelque chose pour te donner une bonne conscience, hein, une paix dans ta conscience, alors qu'en réalité, tu fais rien du tout. Et tu es en train, au fait, de contredire l'islam et la sunna en faisant ces choses-là. Donc, ça c'est parmi les bienfaits de faire le djihad. Et non seulement ça, il y a la récompense aussi du fait que tu vas avoir une part dans le butin, hein, tout ce qui est pris chez les koufars, de biens ou de richesses, de prisonniers, de femmes et des choses de ce genre. Donc ça va être des butins pour les croyants. Ça fait partie aussi des récompenses que les combattants vont recevoir. Et ensuite, il y a le fait que, également, pour les gens qui sont combattus parmi les koufars et les mouchriquines, eux aussi, ils auront un bien dans cela, du fait que ils vont être sortis, les koufars vont être sortis de la mécréance vers la foi, des ténèbres vers la lumière, et de la mécréance vers l'islam. Donc tout ça, c'est des bienfaits qui découlent du djihad. D'accord? Et le cheikh dit ensuite, « قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ القصد من الغزو قتال الكفار لكفرهم لأن الله خلق الناس لعبادته سبحانه وتعالى وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والمصلحة في العبادة راجعة إليهم لأنهم إذا عبدوا الله أكرمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة أما إذا عبدوا غير الله فقد ضروا أنفسهم فالمقصود من الغزو في الإسلام هو إزالة الكفر وإحلال التوحيد محله وهذا هو المقصود من الغزو ليس المقصود من الغزو الاستيلاء على البلاد أو أخذ الأموال أو توسيع الملك أو ما أشبه ذلك قال تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله donc le cheikh dit ici que Allah, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit combattez ceux qui ont mécru en Allah. Qatilu man kafara billah. D'accord? Donc ça veut dire que, le cheikh dit, le but et l'objectif du combat, c'est de combattre les kuffars, c'est-à-dire ceux qui ont mécru en Allah. Et quand on dit kuffar, contrairement à ce que s'imaginent beaucoup de gens ici, parce que c'est comme ça qu'on a été, c'est comme ça que les gens ont été éduqués ici. La plupart des gens qui vivent ici en Amérique du Nord ou en Europe, ils ont été éduqués que la religion s'est reliée avec l'ethnie ou la nationalité. Donc pour eux, si tu dis par exemple musulman, pour eux ça veut dire arabe. Du moment que tu dis musulman, ils disent ah, t'es arabe. Et moi j'ai eu de la difficulté à faire comprendre à certains membres de ma famille, que ce soit des Haïtiens ou des Québécois, de leur faire comprendre que l'islam c'est pas une nationalité, c'est pas un pays. L'islam c'est une religion, c'est une croyance. que peu importe ton origine ou ta couleur ou ta langue ou ton histoire, si tu acceptes la croyance et les pratiques de l'islam, tu es musulman. Hein? Donc, ma grand-mère, du côté de ma mère qui est québécoise, hein, de souche, elle, quand je lui parlais de l'islam, elle dit « Oui, mais toi, tu n'es pas de ces pays-là, toi. » J'ai dit « Grand-maman, l'islam, ce n'est pas un pays. L'islam, c'est une religion, c'est une croyance. Comme chrétien, est-ce que chrétien, c'est un pays? Hein? Est-ce que chrétien, c'est un pays? Non, mais tu viens pas, le christianisme, c'est une religion. Peu importe quelle couleur ou quel pays ou quelle origine que tu vas être, hein? Tu peux être chinois, hein? La foi, elle n'a pas d'origine, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de langue. Et la mécréance, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'origine, elle n'a pas de langue non plus. Il n'y a pas de nationalité pour la mécréance. Donc quand on dit kuffar, on ne parle pas d'un peuple en particulier ou d'une origine en particulier, on parle de ceux qui n'ont pas cru en l'islam. C'est ça les kuffars. Tous ceux qui ne sont pas musulmans sont des kuffars. Et tous ceux qui ont, peu importe leur couleur, peu importe leur langue, peu importe leur origine, et tous ceux qui ont cru en l'islam sont des mu'minins, sont des croyants, sont des musulmans, peu importe leur langue, peu importe leur origine, peu importe leur couleur. When you're in Rome, do as the Romans do. Hein? Quand t'es à Rome, fais comme les Romains. C'est l'idée qu'ils ont. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Le voyez comme Mukhtar, il dit, c'est ça, les gens, ils pensent que quand des musulmans quittent leur pays d'origine pour venir vivre dans un pays non musulman comme ici, ils s'imaginent que quelqu'un en même temps va abandonner sa religion. Pour eux, la religion, c'est la culture, c'est relié à la culture. Donc ils disent, toi, t'es au Québec, ou t'es au Canada, ou t'es en Europe, ou t'es, peu importe où ce que tu es. Alors, tu dois quitter ces pratiques-là et adopter la culture et le mode de vie des gens où tu vis. Mais l'islam, c'est pas une culture. Et c'est ça, ces gens-là qui ont nationalisé l'islam, ou qui ont, culturalisé l'islam, ils veulent mélanger la culture et la religion ensemble. Et il y a beaucoup de musulmans qui pratiquent la religion, non pas comme une croyance et comme une foi, comme une conviction profonde dans le cœur, en des fondements et en des principes, mais ils pratiquent uniquement l'islam comme une sorte de rituel ou un truc de culture, hein, qui est relié à toutes sortes de pratiques culturelles, et ça c'est pas l'islam, c'est pas ça l'islam. Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tu vas dire à des chrétiens ou à des juifs ou à des athées, exact. C'est comme le frère Issa, il dit, tu vas dire à des non-musulmans, que des athées, des chrétiens, des juifs ou d'autres, que tu t'es converti à l'islam, ils vont pas être aussi étonnés que certains musulmans d'origine, hein, de soi-disant d'origine, nés de familles musulmanes, quand ils savent que tu es converti à l'islam, ils se posent eux-mêmes la question, mais pourquoi t'es pas resté chrétien? Pourquoi t'es converti à la religion musulmane? Parce que pour eux, religion et culture et nationalité, ethnie, c'est relié ensemble. Et ils comprennent pas, parce que parmi eux, il y en a qui ont même des doutes en leur religion. Et donc, quand ils voient que quelqu'un, hein, parce que eux, ils ont adopté le mode de vie occidental et la mentalité occidentale, donc ils se disent, comment ça se fait? Toi, tu dis que t'étais chrétien et tout, t'es devenu musulman. Parce que, en fait, comme par exemple, quand quelqu'un est d'origine québécoise ou canadienne ou française ou autre, quand il se convertit à l'islam, même si dans sa culture il y a des choses contraires à l'islam, eh bien du fait qu'il se convertit à l'islam, il change ces aspects de sa culture là qui sont contraires à la religion musulmane, et il s'adapte à l'islam et aux principes de l'islam. C'est pour ça que j'écoutais une entrevue de Jean-Marie Le Pen, et Jean-Marie Le Pen disait l'islam est incompatible avec la culture française. Et en réalité, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est une religion. C'est pas une culture. Donc, si quelqu'un qui est français se convertit à l'islam, et qu'il trouve que dans sa culture française, il y a des choses qui sont contraires à la religion musulmane, étant donné qu'il a la foi en la religion, qu'il croit au Coran, qu'il croit à la Sunna, tout ce qui existe dans la culture française, qui est contraire à l'islam, il va l'abandonner. Et il va adopter les principes de l'islam qui sont en accord, il va adopter les principes de l'islam et il va adapter sa culture française à l'islam en enlevant dans sa culture française tout ce qui est contraire à la religion. tout ce qui est interdit par l'islam, il va le rejeter. Par exemple, le vin français, hein, il va le renier parce que c'est contraire à l'islam. Hein. La baguette, ça, il peut la garder, il n'y a pas de problème, alhamdoulilah, parce que le pain, c'est pas haram dans l'islam. Le fromage, il n'y a pas de porc, alhamdoulilah, il peut en manger. Mais le cochon et toutes les autres choses qui sont mauvaises, et les mauvais aspects, les choses de la culture française qui sont contraires à la morale et à la religion ou à l'enseignement des prophètes, ça, on va le rejeter, peu importe. Hein. Il y a des choses même dans la culture de certains pays musulmans qui sont maintenant traditionnelles, mais contraires à l'islam aussi. Et donc, dans ces pays musulmans-là, c'est pas tout ce qui se passe dans ces pays-là qui est en accord avec l'islam. Tu vois des traditions pré-islamiques, même des traditions, des coutumes qui sont transmises dans la société, qui sont contraires à l'islam. Et c'est pour ça que même dans les pays musulmans, il faut qu'il y ait aussi cette analyse-là, ou ce tri entre ce qui est islamique et ce qui n'est pas islamique. C'est pas parce qu'on est soi-disant d'une culture, d'un pays d'origine musulmane qu'on doit accepter tout ce qui est dans ce pays-là, dans cette culture-là. C'est pour ça que ces gens-là qui mélangent entre religion, c'est comme si Le Pen, qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est que si t'es français, t'es obligé d'être mécréant et que tu peux pas être croyant. C'est faux. C'est comme si tu disais que si tu es arabe, tu es obligé d'être musulman, alors que c'est faux, il y a plein d'arabes qui sont chrétiens, il y a des arabes qui sont athées, il y a des arabes qui sont communistes, et ainsi de suite. Donc la croyance c'est quelque chose, et l'origine ou la couleur ou les autres choses, c'est pas du tout relié. Donc pour terminer ce passage que j'ai lu en arabe, on combat les koufars pas pour leur origine ou les choses de ce genre, on combat ces gens-là pour leur mécréance. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes pour son adoration. Il dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et pour le bien, donc, s'ils se convertissent à l'islam et qu'ils acceptent l'adoration, ça revient, le bien de ça, ça revient à eux-mêmes. Parce qu'ils vont se faire du bien pour eux-mêmes en adorant Allah. Et, لأنهم إذا عبدوا الله أكرمهم الله. Quand ils vont adorer Allah سبحانه وتعالى, Allah va les anobler et va les honorer dans cette vie et dans l'autre. Mais أما إذا عبدوا غير الله, donc s'ils adorent autre que Allah, ils vont se faire du tort à eux-mêmes. Et le cheikh il dit, donc le but du combat et de la lutte dans l'islam, du djihad, c'est d'éliminer la mécréance et de le remplacer par le tawhid, de mettre le tawhid à la place de la mécréance. Et c'est ça le but de la lutte et du combat dans l'islam. Et donc, le but, c'est pas de prendre le plus le contrôle des différents pays, de prendre les biens et les richesses des pays, ou d'augmenter et d'élargir notre territoire, ou toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir avec ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la preuve de ça dans le verset 39, dans Surat Al-Anfal, il dit, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et les ulama ont dit que le mot fitna ici, ça veut dire le shirk. C'est-à-dire combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk, plus d'adoration pour autre que Allah dans le monde. Et que la religion tout entière soit uniquement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le but du djihad dans l'islam. Et donc, ça, c'est un petit résumé à ce sujet-là. On a commencé aujourd'hui, mais on va continuer demain, inshallah, à expliquer le hadith, inshallah, parce que là, on a atteint la limite du temps. Donc on va s'arrêter, puis on continuera ça demain, bi'ithnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ash'hadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi. Wa fika barakatuh.